À la rivière du Loir, de Pierre de Ronsard, enregistré pour LibriVox.org. À la rivière du Loir. Réponds-moi, méchant Loir, me rends-tu ce loyer pour avoir tant chanté ta gloire et ta louange? As-tu osé, barbare, au milieu de ta fange, renversant mon bateau sous tes flots m'envoyer? Si ma plume eût daigné seulement employer six vers à célébrer quelque autre fleuve étrange, quiconque soit celui, fût-ce le Nil ou Gange, le Danube ou le Rhin, ne m'eût voulu noyer. Pindare, tu mentais, l'eau n'est pas la meilleure de tous les éléments, la terre est la plus sûre, qui de son large sein tant de bien nous départ. Ô fleuve stygieux, descente achérontide, tu m'as voulu noyer, de ton chantre homicide, pour te vanter le fleuve où se noya Ronsard. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.